Ouais, tu me diras, t'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Ouais, tu me diras, t'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs. L'instru c'est du lourd. J'ai m'amusé, des fois je plains les sourds. Ils peuvent pas m'écouter. Je viens de la rue, fais pas de bruit. C'est un secret, ouais, ouais. Je suis apparu sur 9 milli. Sécurité, ouais, ouais. Des fois je la comprends pas. Non, l'amour est si compliqué. Non, qui vivra verra. Mais là il faut m'expliquer. Nigga. Bâtard, hier tu voulais me faire la peau. Viens pas me serrer la main, je veux même pas te voir dans mon rétro. Ouais, tu me diras, t'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Ouais, tu me diras, t'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs. Mets tes écouteurs. Ça t'entraîne vers le monde des hauts. Les distances déjà fait des cauchemars. La tragédie est pas haut. On est resté des honnards. C'est des connards et j'en ai marre de le répéter. Mon troisième doigt votera toujours pour ma liberté. Encouragé par quoi? Le fait d'être une célébrité. J'ai des frères au pays qui savent même pas où manger. J'en place une dernière. Des envies, carrière. Mon frère tu plains. Nous mais regarde un peu ton salaire. Et tu me diras. Ouais, tu me diras. Ouais, tu me diras. T'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Ouais, tu me diras. T'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Mets tes écouteurs. Mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs. Et tu me diras, t'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Ouais, tu me diras, t'avances pas dans le rap, pourquoi t'arrêtes pas? Mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs. Mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs, mets tes écouteurs.